irubebikoitza@herriotsak.info. Tu es dans le noir, Mickaël, on te voit plus. Je suis dans le noir, mais je suis pas mal. Ah, c'est vrai que ça donne un truc. Il va falloir que tu enlèves la veste après, tu verras. Allez, c'est parti pour une quatrième édition de Louchou et Tamay Tachoun Hot Shack. Et ce soir, c'est notre tour. Qu'est-ce qu'on a ce soir? Ce soir, on a une superbe émission en vue parce que on approche du 1er décembre, donc on va parler un petit peu du VIH, on va parler du sida, parce que je rappelle que le 1er décembre, c'est la journée internationale de lutte contre le sida. Et puis ce soir, on a aussi quelques petits changements. On va parler un peu de ce qui s'est passé il y a 15 jours. On n'a pas de mail du coup de réaction par rapport à l'émission d'il y a 15 jours parce que nous n'étions pas là. On en parlera un petit peu, on parlera un petit peu de ce soir aussi. Et j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, hein, c'est Miss Eva. Miss Eva qui je pense ne viendra pas a priori. C'est très dommage. Antxete erratiaren sintonian zaudetela gogoratzen dizuet herriotsak egunero bezala 8:00-etik 9:00 arte eta gaurkoan LGP Biagitzen eskutik Luxu eta Maitasun hotsak. C'est parti? C'est parti. Allez, c'est parti. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue donc dans Luxu eta Maitasun hotsak, l'émission LGBT du Pays Basque. Et ce soir, à quelques jours donc du 1er décembre, comme je disais tout à l'heure, journée internationale de lutte contre le sida, nous parlerons VIH, contamination, dépistage, soutien psychologique. Un programme pas très réjouissant quand on l'annonce, mais ne vous inquiétez pas, nous parlerons aussi de plaisir, de sexe, d'amour et de luxure. Et ce soir donc, en invité de Luxu eta Maitasun Hotsak, nous avons Yosheba qui est là avec nous, bonsoir. Gabon, bonsoir. Ça va? Ça va très bien, Il paraît que tu as froid. Non, j'avais froid avant de rentrer ici. Ici c'est tellement confortable que je ne peux pas dire que j'ai froid. Est-ce que tu peux confirmer juste une chose? Il fait à peu près moins 600 degrés à l'extérieur. Mais l'avantage c'est que à l'intérieur du studio de Luxu eta Maitasun Hotsak, il fait très chaud quand même, non? Moi depuis que je suis rentré, j'ai vu quelques gens ici qui m'ont vraiment fait monter la chaleur. Eh bien voilà, on va passer un petit appel à tout le monde. Si vous avez froid, si vous êtes au coin de votre cheminée, ou je ne sais pas, si vous n'avez plus... Il n'y avait plus d'électricité en Dai hier. Il paraît que à peu près toute la ville s'est retrouvée sans électricité, sans chauffage. Ancheta Iratia a perdu aussi l'électricité et il n'y a pas eu d'émission pendant un bon moment. Oh, ouais, on s'en excuse. On est désolé. Heureusement, ça ne nous arrivera pas ce soir. Donc, un appel à tous ceux qui n'ont pas récupéré le chauffage. L'électricité, si vous nous écoutez, vous allez les récupérer. Mais pour le chauffage ici, il fait chaud. N'hésitez pas à venir nous rencontrer. Allez, attention, mesdames et mesdemoiselles et messieurs. Je voudrais d'abord vous adresser des excuses de la part de toute l'équipe de Luxu eta Maitasun Hotsak. Des excuses parce qu'il y a 15 jours, vous avez été des milliers, que dis-je, des millions d'auditeurs, à attendre avec impatience cette émission. Et malheureusement, c'est une rediffusion qui vous a été proposée et je vous demande pardon. On vous doit quelques explications, bien sûr. Le 15 novembre dernier, je me suis retrouvé coincé dans les Pyrénées entre une dizaine d'ours mal léchés, à 257 km d'ici. Les heures ont passé et je n'ai pas pu avoir le temps de revenir à Hendaï pour animer l'émission. Et folle d'inquiétude, Miss Eva était partie à ma recherche, chevauchant un camion de pompiers. Ou peut-être même juste un pompier, qui sait. Elle aussi, du coup, n'a pas pu se libérer pour l'émission. Tu sais très bien ce que c'est, Mickaël, hein, quand on est avec les pompiers, le temps passe vite, n'est-ce pas? Et quant à Mickaël, donc justement, ne nous voyons pas arriver, s'est retrouvé avec une température corporelle de 45 degrés. Seul et nu comme un ver, il a dû assurer seul le lancement d'un enregistrement passé de l'émission. Et je voudrais m'excuser encore une fois auprès de lui et lui dire merci d'avoir été là. Mickaël, merci beaucoup. C'est pas un problème parce qu'on est ici encore une fois. Donc les gens qui n'avaient pas écouté la première émission, ont eu la chance de la réécouter, et donc pas de problème. Est-ce que c'est là où tu es formidable, c'est que tu as du coup dégoté la toute première émission de Lucheta Mentachunochak, qui je pense avait été écoutée ce jour-là par 2 ou 3 personnes maximum, sachant qu'on avait mis la mauvaise fréquence sur les publicités. Voilà. C'est à peu près ça. Donc merci encore une fois, Mickaël, et encore une fois, toutes nos excuses. Et puisqu'on parle d'écouter, on a une nouvelle pour tous ceux qui écoutent Lushu et Tamaitashu Nochak, c'est que maintenant on peut écouter ça à travers internet à partir sur le blog de riochak.info. En tout cas, c'est juste dommage qu'on n'ait pas été là le seul jour où tu es nu, quoi. on regrette énormément, mais en tout cas Lushu et Tamaitashu Nochak reprend dès ce soir en direct, et ce donc tous les 15 jours le lundi soir. Toujours dans les excuses, je le disais juste avant, Miss Eva ne sera pas là ce soir. Et oui, on a le droit de faire « Oh !» Et oui, depuis la chevauchée fantastique d'il y a 2 semaines, elle a toujours du mal à récupérer. Je ne vous dis pas où est-ce qu'elle a mal, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, elle est partie en cure de jouvence à Séville et vous adresse le message suivant. « Moi, Miss Eva, déesse de la beauté et du transformisme. » Oui, Miss Eva a une modestie très, très, très, très grande, hein, n'est-ce pas ? Très, très modeste. Donc, déesse de la beauté et du transformisme, vous envoie 1000 baisers de Séville. Là-bas, les pompiers prennent soin de moi et l'art du flamenco m'a enrichi en souplesse et en nouvelles positions. À l'équipe de la radio, je dis, on sort les éventails du cul et on travaille. À dans 15 jours. Donc, Miss Eva, je sais pas si tu peux... On peut nous entendre à Séville, tu crois ? Ben, en ce moment, non. D'accord. Peut-être dans une heure, quand on mettra l'émission sur le blog, là, elle pourra nous entendre, mais pas en direct. Très bien, écoute, merci Miss Eva, et puis bon, Miss Eva n'est pas là, c'est une chose, mais sachez que Mickaël, donc vous l'avez entendu, lui est toujours fidèle au poste. Bonsoir Mickaël. Bonsoir encore une fois. Bonsoir, et dis-moi, on va avancer le schmilblick ce soir ou pas du tout ? Le schmilblick. Alors le schmilblick en français, c'est une expression pour dire ce qu'on n'arrive pas à savoir ce que c'est. En gros, tu sais de quoi je parle. Ouais, je sais de quoi tu parles. Yosheba, nous avons une grande question ici, chez Iratia. Nous ne connaissons pas la sexualité de notre cher ami Mickaël. Et donc. Le mec, quand même. C'est un mec, ça c'est sûr. Ah, ça c'est sûr. Ça, je le vois, il a une barbe. Ou alors c'est très très bien soigné. Maintenant, avec cette affaire du cuir et tout ça, peut-être que tu peux même pas assurer que je suis un mec, non ? Non, ça je le vois. C'est quelque chose de ça. Oui, mais Yosheba, donc notre invité ce soir a une bonne connaissance en matière d'hommes, je pense, a priori, c'est ça que tu veux dire ? J'en ai quelques-uns, alors, oui. Ah, tu en as quelques-uns ? J'en ai quelques années, ah, déjà. Ah, d'accord, ok. J'ai un âge dans lequel j'ai pas mal d'expérience. Bon, Mickaël, puisque tu es là, est-ce que tu peux nous donner juste des petites infos, les mails, le blog, le numéro de téléphone, pour tous ceux qui voudraient poser des questions ? Ben, on va entendre tout ça, je vais même pas parler. www.iru-bebikoitza-erriochak.info. Bonjour, Orange vous informe que le numéro demandé n'est pas attribué. Antxete erratiko telefonoa, oraindik ez dakizula? Iparraldetik deitzen baduzu 05-5-9-4-6-6-5 eta hegoaldetik deitu ezkero 00-33-5-5-9-4-6-6-5. Et ce que je vais faire, c'est peut-être répéter le numéro de téléphone en français au cas où il y aurait quelqu'un. Oui. Voilà, donc c'est le 05-59-48-36-65 si on appelle de Hendaï, de Iparralde, et si on appelle de l'autre côté, alors c'est 00-33-5-59-48-36-65. Merci beaucoup Mickaël, on rappelle aussi qu'il y a un nouveau blog sur lequel on peut venir écouter les émissions, donc les émissions passées, ainsi que celles de ce soir, dès demain. Dès ce soir même. Dès ce soir, Donc c'est riochak.info. Et ce que je vais demander à tout le monde, c'est de laisser des commentaires pour qu'on les lise la prochaine fois. D'accord, donc la prochaine fois, l'émission fera une heure et demie hein, pour lire tous les commentaires des millions de personnes espérons, qui nous écoutent. Espérons, espérons. C'est à peu près ça. Ok, très bien. Donc ce soir, donc, je voulais annoncer juste en début d'émission, nous allons parler VIH, nous allons parler SIDA. Nous allons parler, bien entendu, de l'actualité au Pays Basque Nord et Sud en vue de donc, cette journée du 1er décembre, journée internationale de lutte contre le SIDA. Et je l'ai dit donc, juste avant, on s'est déjà dit bonsoir, on va recommencer à dire bonsoir. On accueille donc Yosheba. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc on va longuement parler tous les deux de la question du VIH, mais juste avant, on va passer un petit coup de fil à Karine, la coordinatrice de AIDS Pays Basque, Béarn et Sud-Landes. Juste, petite précision, j'ai oublié de le dire, je sais pas, tu es donc toi le responsable de la commission VIH-SIDA au sein de Gaytou, l'association LGBT de Saint-Sébastien. C'est ça du Pays Basque Sud, et en même temps aussi je suis le président d'une association uniquement de la lutte contre le SIDA et HIV, VIH, que vous dites en français, qui s'appelle Harry Belza, c'est une de deux associations guipuscoennes. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner juste peut-être les coordonnées justement de cette association-là? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où on peut vous joindre, quelque chose, une adresse email, un blog, un site internet? Oui, Harry Belza, c'était Harry Belza, Harry c'est avec un H, Belza c'est Belza de Noir. Vous pouvez le mettre sur Google et toute notre information sera là. Et le numéro de téléphone c'est le 0034. Disons l'Espagne, et après c'est le 943-49-35-44. Si tu veux passer le message en basque, tu peux le faire aussi. Bueno, es, bueno, gehienak ezautzen gaituzue, norbaite gurekin kontaktuan jarri nahi baluke, Harri Beltza Oiartzunen kokatuta dago, eta Gipuzko osoan lan egiten dugun, iesaren aurkako elkarte bat gira. Mickaël, on va essayer de joindre donc Karine donc, qui est coordinatrice de AIDS Pays Basque, Béarn et Sud-Landes. Karine donc, ne peut pas être avec nous ce soir puisqu'elle est à Pau, elle travaille à Pau. Et ben, juste le temps qu'on la joigne, on va essayer de une petite musique, une petite pub, un petit les deux. Je n'ai pas reçu le script de l'émission, donc je ne sais pas laquelle... Alors, je ne sais pas, ce que tu veux. Tiens, choisis, tu en as trois. Voilà. Come on and join the band. Well, Donc de l'autre côté du téléphone, nous avons Karine. Bonsoir Karine. Bonsoir. Est-ce que tu nous entends bien ? Parfaitement. Donc avec nous, ici de l'autre côté de la vitre, j'ai Chris qui va te faire une interview. Ok. Tu m'entends Karine ? Je t'entends très bien. Ah mais c'est formidable. Et c'est la première fois que je t'entends en stéréo, dis donc. J'ai un casque sur les oreilles, c'est formidable. Tu as une très belle voix. Tenez à le dire. Ok, donc Karine, je te présente la personne qui est avec moi à mes côtés. C'est Yosheba, donc, qui est responsable de la commission VIH-SIDA au sein de Gayitou. Et bonsoir Karine. Bonsoir, on s'est déjà rencontrés. Ah bon ? Voilà, une fois ou deux. Oh, l'Alzheimer qui m'éprend déjà. Déjà ? Donc, comme j'ai dit à Yosheba, hein, pendant que tu parleras, lorsque je te poserai les questions, je l'ai autorisé, bien entendu, à réagir, à dire un petit peu s'il a quelque chose à dire par rapport à ce que tu dis, à compléter ou quoi que ce soit. Hein. Bien sûr. D'accord. Donc, Karine, tu es coordinatrice donc, chez AIDS. Est-ce que tu peux, juste en quelques mots, me présenter l'association AIDS, déjà ? Alors, association AIDS, association de lutte contre le sida et les hépatites, avec une particularité, c'est qu'on travaille dans le cadre d'une démarche communautaire, c'est-à-dire avec les personnes... concernés par le VIH et non pour les personnes. Voilà, donc on essaie au maximum de s'associer avec les communautés pour mettre en œuvre nos actions. Voilà, et donc on intervient sur le Pays Basque, sur le Béarn aussi, dans le 64, et puis sur l'ensemble de la France avec les moyens qu'on veut bien mettre à notre disposition. C'est intéressant ce que tu dis, qu'on veut bien mettre à notre disposition. Je pense qu'on va essayer d'en parler un petit peu après, ça nous intéresse pas mal. Juste, donc toi, est-ce que tu as quelques infos, par exemple, sur le taux de contamination en France ? Alors, les chiffres, moi, c'est pas trop ma spécialité. Après, ce que je peux dire, c'est que ce qu'on sait, c'est qu'il y a toujours environ 7000 nouvelles contaminations en France chaque année. Mmh. Ça, c'est un chiffre qui bouge pas hein, depuis quelques années, et qu'il y a environ entre 40 000 et 50 000 personnes qui sont infectées par le VIH, donc toujours en France, sans le savoir. Donc ça fait une population qui est très importante et qui nécessite en fait qu'on modifie un peu notre façon d'intervenir sur le terrain et qu'on soit peut-être plus efficace en matière de prévention, de réduction des risques, en tout cas qu'on ait les moyens. Qu'on nous donne les moyens d'agir pour pouvoir avoir une vraie... qu'on puisse en fait infléchir la dynamique de l'épidémie, et ça c'est possible. Si on nous donne les moyens d'agir, on peut vraiment agir sur l'épidémie, voire la faire disparaître à long terme. D'accord, on va revenir un petit peu justement sur ces moyens qui sont qu'on vous donne d'une part, et ces moyens qui sont mis en place par l'association AIDS. Est-ce que toujours, enfin je sais que les chiffres, tu nous l'as dit, c'est pas exactement ton truc, mais par rapport à ces chiffres que l'on a sur la France, sur cette estimation que l'on peut avoir, est-ce qu'on sait si au niveau du Pays Basque, Béarn et Sud-Lande, est-ce qu'on a quelques éléments à notre connaissance ? Alors moi j'ai quelques chiffres hein, parce que c'est difficile d'avoir des chiffres locaux en fait. Alors on sait par exemple combien de personnes sont suivies sur le département, mais ça reflète pas sur le Pays Basque, mais ça va pas refléter forcément le nombre de personnes, parce qu'il y a des gens qui vont se faire suivre sur Bayonne, enfin dans le Pays Basque, mais d'autres qui habitent Bayonne mais qui vont aller préférer se faire suivre sur Bordeaux par exemple. Donc on sait qu'il y a environ, alors sur le département des Pyrénées-Atlantiques, environ 1000 personnes qui sont suivies dans les hôpitaux. Alors sur Bayonne, il y a à peu près 600 personnes qui sont suivies, ce qui va pas forcément donner un chiffre très précis hein, du nombre de personnes concernées. Tout à fait, surtout si on prend cet inconnu qui est de tous ceux qui ne se sont pas fait dépister, qui ne savent pas. Voilà, absolument, qui est un chiffre qui va venir pondérer ces chiffres que je vous donne là. Après, on sait qu'il y a à peu près 2600 personnes qui ont fait des tests cette année, donc qui a vraiment fait des tests sur Bayonne, des tests IH. Et IST, et que en 2009, il y a eu deux cas de séropositivité détectés sur le CIDIST, enfin le centre de dépistage de Bayonne. D'accord. Alors, ça peut paraître deux, on va se dire tiens, c'est pas énorme. Il faut savoir que aujourd'hui, enfin j'imagine qu'on en parlera, mais que le dépistage n'est pas forcément actuellement tel qu'il est proposé, n'est pas forcément adapté aux populations les plus vulnérables en France. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on va en discuter un petit peu. On va parler justement des moyens qui sont mis en place aujourd'hui. Comment une association comme AIDS peut continuer à mettre des actions en place? Qu'est-ce que vous faites exactement comme action? Comment ça se passe exactement? Alors, comment ça se passe? On va dire que sur 2009-2010, ça s'est quand même passé assez difficilement, dans la mesure où on a perdu. Alors, là, j'inclus les deux délégations qui sont Pau et Bayonne, en fait, hein, parce qu'on travaille ensemble. Mmh. On va dire que depuis 2005, pour vous donner une idée, nos moyens ont été divisés par deux. On a perdu 50% de l'enveloppe, ce qui est énorme, alors que le département des Pyrénées-Atlantiques est quand même le deuxième département le plus touché dans l'Aquitaine. Donc il y a déjà une incohérence à ce niveau-là. Tout à fait. Et l'Aquitaine elle-même étant une région peut-être des plus touchées en France aussi. Voilà, c'est la troisième région la plus touchée au niveau de l'épidémie. Donc il y a une très forte incohérence, sachant que sur le Pays Basque, il y a quand même des populations vulnérables très importantes, donc à savoir les HSH, les hommes qui ont des relations sexuelles avec des autres d'autres hommes, et puis c'est comme ça qu'on les appelle, et puis les consommateurs de produits psychoactifs qui sont aussi une population importante qu'on reçoit à AIDS. Donc ces populations repérées comme étant vulnérables, donc on a repéré des besoins, on a un contexte qui est criant de nécessité, et puis finalement en face de ça on n'a pas les moyens. Pour vous donner un ordre d'idée, on n'a même pas 10 000 euros sur l'ensemble du département pour mener les actions en direction des gays. Oui, parce que 10 000 euros ça nous paraît peut-être à quelqu'un ça paraît pas beaucoup, mais en même temps c'est vrai que c'est rien du tout. Ça veut dire qu'on a soit effectivement on a les moyens pour acheter du matériel, mais on n'a pas les moyens pour financer un salarié, les locaux, enfin tout ce qui va avec. C'est ça. Et sans vouloir rentrer dans le côté politique de la question, est-ce qu'il y a un rapport avec cette baisse des enveloppes et le fait que AIDS essaye de développer le dépistage rapide? Est-ce qu'il y a un refus par rapport au gouvernement, au ministère de la Santé notamment, du développement de ce dépistage rapide? Qu'est-ce qui peut expliquer tout ça? Ce qui peut expliquer, je pense pas que ce soit en lien avec le dépistage rapide, parce que je pense qu'au contraire, là, il y a très récemment l'arrêté du 17 novembre, si je me trompe pas, qui ouvre en fait le dépistage, qui élargit les conditions de recours aux tests de dépistage, qui l'élargit au non médical en fait, c'est plutôt favorable. Hein. C'est quand même la preuve que l'État a écouté Donc il essaie d'être présent sur cette question-là. Voilà, avec les aides et les nombreux travaux qui ont été faits ces dernières années pour essayer de mettre ça. Non, je pense que le souci, il est plus lié au local, c'est-à-dire une non prise en compte des besoins sur le 64, des besoins, et il n'y a pas de lien entre l'enveloppe et puis les besoins sur le terrain. D'accord, on va passer un petit appel à ces messieurs et ces mesdames qui nous donnent ces petites enveloppes. N'hésitez pas à avoir la main lourde, n'hésitez pas à donner, il faut donner. On va donner pour le Téléthon là dans quelques jours, sans remettre un petit peu tous les problèmes qu'il y a eu avec Pierre Berger, etc. Mais c'est vrai qu'il faut quand même aussi penser que AIDS est une association qui a besoin de moyens pour mettre en place justement le dépistage rapide. Parlons-en du dépistage rapide. Est-ce que tu peux me donner quelques éléments là-dessus? Alors, le dépistage rapide, AIDS a mis en place durant l'année 2010 une recherche biomédicale en partenariat avec l'ARS sur le dépistage rapide. Donc il s'agissait en fait, le cadre de la recherche permettait de faire du dépistage parce que jusqu'au 17 novembre, date de l'arrêté, on n'avait pas le droit de faire du dépistage rapide si on n'était pas un médecin. D'accord. Donc le cadre a changé et depuis le 17 novembre, le dépistage rapide va être possible pour les non-médicaux. D'accord. Ça veut dire que AIDS va pouvoir faire, dans le cadre de ses actions de réduction des risques sexuels, va intégrer du dépistage rapide. Ça veut dire que après un entretien, ce qu'on appelle un entretien de réduction des risques en direction d'un gay, par exemple, et bien si la personne elle a envie d'être testée à la sortie d'un sauna, sur un lieu de rencontre extérieur, AIDS pourra proposer un test de dépistage rapide communautaire, c'est-à-dire fait dans l'idéal par une membre de la communauté, donc un gay si on est si on fait une action auprès des gays ou un consommateur de produits, si on fait une action... Donc ce qui reste dans l'idéal, bien entendu. Hein. Voilà, qui reste dans l'idéal, parce que c'est pas toujours facile de mobiliser. Donc faire un test de dépistage, donc avec des personnes qui sont formées, avec une habilitation du ministère de la Santé, où on pourra, la personne pourra connaître son statut sérologique dans un cadre de confidentialité, de non-jugement, dans un temps évidemment beaucoup plus rapide. Et puis, c'est un dépistage qui va s'adapter aux pratiques. Ça permettra de discuter. Voilà, si la personne elle est séro-négative, ça permettra d'avoir un entretien avec elle pour qu'elle reste séro-négative et qu'elle puisse adapter ses pratiques sexuelles à... Voilà, parce qu'on sait que qu'aujourd'hui, le dépistage classique ne permet pas forcément. Et on a pas mal de personnes qui viennent en fait nous dire que elles sont allées une fois au CIDiste, elles y sont allées une deuxième fois, puis là, on commence à leur dire, mais attendez, c'est pas normal, vous êtes venues déjà deux, trois fois ce trimestre, qu'est-ce qui se passe Oui, c'est-à-dire qu'on passe dans le jugement direct des personnes qui viennent se faire dépister. Oui, voilà, parce que voilà, il y a une méconnaissance aussi du milieu, du coup, l'idée de le faire en communauté, ça facilite aussi la discussion, etc. Donc on pourrait être présent, comme je disais tout à l'heure, à la sortie d'un sauna, à la sortie d'un... Voilà, sur les lieux de drague, sur nos campagnes d'été, qu'on fait sur les plages. Donc c'est à peu une trentaine de minutes. Qu'est-ce que répond Aids aux gens qui pensent que faire un dépistage comme ça, un dépistage rapide, c'est bien, mais à la sortie d'un sauna ou justement sur un lieu de drague, sur un lieu de rencontre extérieure, ça fait un peu brutal, c'est-à-dire apprendre à quelqu'un qu'il est séropositif ou lui dire que le test, enfin lui apprendre, c'est une chose, lui dire que le test est positif à la sortie d'un plan sexuel dans les bois par exemple, est-ce que c'est pas un petit peu psychologiquement difficile, est-ce que c'est pas un petit peu brut? Oui, alors après, il y a un cadre qui sera sécurisé. On va pas faire le dépistage comme ça en 30 secondes. C'est quand même préparé. Il y a un entretien. Il y a des volontaires qui seront formés au counseling, au conseil, c'est cadré. Après, on va pas... après, c'est le choix aussi de la personne. On sait aussi qu'il y a des gens qui ont envie de savoir, qui n'ont pas envie de se déplacer dans les centres de dépistage pour des raisons multiples. Donc après, si on sent que la personne elle est pas en capacité de recevoir un résultat, probablement que ça ne lui sera pas proposé. Après, je pense qu'il faut pas l'imaginer comme ça derrière un buisson, faire un test à la va-vite. Ça sera dans un lieu sécurisé. Ça reste un dépistage de choix, ça reste quelque chose. C'est un service proposé en supplément, de manière à ce que les gens puissent y accéder plus facilement. Tout à fait. D'accord. De manière plus facile et plus répétée aussi, puisqu'on sait que les prises de risque chez les gays sont plus fréquentes que chez la population générale. Donc c'est aussi l'occasion de pouvoir faire des tests de manière plus régulière. Et puis c'est aussi pouvoir parler de sa sexualité, de sa difficulté à mettre en préservatif, etc. Tout à fait. Est-ce que ce dépistage rapide sera bientôt accessible, par exemple, aux délégations de Pau, Bayonne, Dax? Alors on l'espère, a priori, courant 2011. J'ai pas de date vraiment précise, il faut qu'on ait l'habilitation, il faut que les militants soient formés. A priori, on se dit que peut-être pour la Gay Pride cet été, ou peut-être un petit peu avant, dans un sauna ou deux sur le Pays Basque éventuellement. Mais ça sera pas au 1er janvier, ça, c'est sûr. Mais en tout cas, moi, en tant que gay de la communauté du Pays Basque, je remercie quand même Aids de mettre en place ce dépistage rapide que je pense véritablement utile. Karine, avant de nous quitter, est-ce que tu aurais quelques infos à nous donner autour du 1er décembre? Alors, le 1er décembre sur Bayonne, oui, j'ai quelques infos. Il faut juste que je retrouve mon petit... Ton petit mémo. Mon petit papier. Donc, une soirée... j'essaie d'improviser, mais là, c'est râpé. Une soirée au caveau des Augustins. À Bayonne. D'accord. j'essaie de meubler, je suis pas douée. C'est pas grave, t'inquiète pas, on va s'en occuper. Le caveau des Augustins, moi, parce que je sais même pas où c'est, mais je sais que j'ai vu sur internet, c'était un lieu assez connu à Bayonne. Donc j'invite tous ceux qui nous écoutent et qui aiment bien sortir dans le petit Bayonne. Le 1er décembre, c'est quand exactement ça? Alors c'est mercredi. C'est mercredi soir, bon c'est la veille des jeudis étudiants certes, mais c'est une bonne occasion de sortir aussi. Donc au caveau des Augustins, j'imagine que la soirée doit commencer aux alentours de 20h-21h. Alors voilà, 21h au caveau des Augustins. Donc en première partie, les étudiants de la fac de Bayonne vont faire une lecture de texte autour du VIH. Et puis en deuxième partie, un concert avec le groupe Les Ivres de la Jungle. D'accord. Voilà, ça c'est pour le 1er décembre. À Bayonne. Voilà, à Bayonne. Ensuite, il y a un partenariat avec donc le journal Sud-Ouest pour une chronique quotidienne et la participation de France Bleu Pays Basque qui vont voilà diffuser un petit peu des infos sur la sauce. Une intervention dans un lycée avec pareil des lectures intergénérationnelles. Alors je ne saurais pas vous dire à quoi vraiment ça correspond, mais si vous êtes intéressé, il faut se rendre au lycée Paul Bert à Bayonne. D'accord. Et puis, le 7 décembre, le mardi 7 décembre 2010 à 20h30, à la MVC de Bayonne, une soirée débat autour du dépistage. Alors cette fois-ci, non pas du dépistage rapide, mais du dépistage obligatoire. D'accord. Voilà, donc c'est un débat sur pour savoir, faut-il obliger l'ensemble de la population à faire du dépistage voilà. Intéressant. Donc voilà ce que je peux vous donner comme info. Et puis évidemment, si vous... les personnes qui souhaitent se mobiliser avec nous sont les bienvenues. Justement, Karine, où est-ce qu'on peut éventuellement joindre AIDS? Où est-ce qu'on peut se déplacer dans, quelque part? Alors, 3 avenue du Vergier de Oran à Bayonne et le téléphone, le 05 59 55 41 10. Béatrice, Judith et tous les militants, Bertrand, Pascal, sont là pour vous accueillir. Et voilà. D'accord. Et un petit site internet pour finir? Oui, www.aide.org. Eh bien, écoute, Karine, je pense que c'est assez complet. On a tous. Merci à vous. Merci beaucoup. On se voit bientôt. Hein. Je passerai à la délégation de Pau voir un peu comment tout le monde va bien. Et puis, félicitations, parce que j'ai appris qu'il n'y a pas longtemps, tu étais devenue maman. Voilà. Donc, toutes mes félicitations. À bientôt, Karine. Merci. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Au revoir. Eh bien voilà, Yoseba, tu as entendu tout ce que Karine nous a dit. Maintenant, ça va être à ton tour. Merci d'avoir patienté. Je voulais que tu entendes ce que Karine avait justement comme info pour avoir un petit peu ta réaction. Je regardais un petit peu ton visage au fur et à mesure. Je pense qu'il y a des choses qui t'ont un petit peu peut-être pas choqué, mais un peu dérangé. Le dépistage rapide, par exemple. Dérangé, pas du tout. Mais un peu choqué, oui, par la présence dans les lieux de drague, par exemple. Mm-hmm. L'expérience que du côté espagnol du Pays Basque nous avons avec le dépistage rapide, c'est tout à fait différente. Disons que nous avons une administration qui est très proche à nous. Vous savez que nous avons un gouvernement autonome. Autonome, oui, tout à fait. Et surtout, question santé, nous sommes toujours été un peu sur le top de la santé qu'il puisse avoir de l'État espagnol. Et en même temps, avec le problème du sida aussi, nous avons un plan du sida que ça fait 20 ans est dirigé par la même personne, par la même équipe, et qui continue à faire un travail superbe. Alors, le dépistage rapide et proche aux citoyens, dehors de tout ce qui est, disons, le système de santé, mm-hmm. les ambulatoires, etc. Dehors de cela, ça a commencé à se faire déjà, ça fait 2 ans, comme expérience pilote. Nous étions, je crois, la première autonomie à le faire, dans les pharmacies. Et après de l'avoir commencé à faire dans les pharmacies, on a commencé à le faire dans les organisations plus proches des usuaires, des gens qui... Oui, des usagers, de la population qui peut être éventuellement à risque. Excusez-moi pour mon français, n'est pas toujours parfait. Tu parles mieux français que je ne parle basque, alors tu sais en même temps, je ne vais rien dire là-dessus. Alors, même en ce moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations, des associations non gouvernementales, dans lesquels on peut aussi faire le dépistage, par exemple à Gay2. Gay2, une association des gays et lesbiennes et transsexuel et bisexuel du Pays Basque qui a sa maison, disons, son centre à Saint-Sébastien. Son siège, oui. À partir du 2 décembre de cette année, on va commencer à le faire. C'est une façon de rapprocher le dépistage aux gens. Mais avec cela, je ne veux pas dire que je vois que ça ne soit pas une bonne idée, c'est ce que Karina disait, mais ça me surprend quand même. Ça me surprend qu'on puisse aller dans des endroits tellement intimes, mais c'est une chose que j'ai déjà expérimenté avant, par exemple dans les rapproches qu'on a eues, parce que Karina, bon, moi maintenant je ne me rappelle pas, je vois pas sa tête, je vois pas son une visage. Une jolie brune. Mais il paraît qu'on s'est déjà connu, qu'on a partagé, puisque comme Gaytou et comme personne qui est sur le problème de HIV-Sida, il paraît qu'on s'est connu bien. Et on s'est connu aussi en faisant de certaines choses de prévention, en partageant avec Gaytou et Ed, etc. Et c'était un peu la même chose aussi. Disons que ce n'est pas que Gaytou ne fait pas de la prévention, c'est qu'on n'a pas l'habitude d'aller dans des endroits qui sont tellement, ou que je considère qui sont tellement intimes, comme ça peut être une sauna, ou les bois des Chantaco, ou quoi que ça soit, non? Mais moi, je crois que c'est superbe. Tout ce qui est, comme personne affectée moi-même, et comme personne qui travaille, qui est sur le champ, toutes les politiques qui puissent approcher aux citoyens de faire le test de dépistage rapide, toutes sont bonnes. Qu'elles puissent me surprendre ou pas, ça c'est... Oui, tout à fait. De toute façon, Karine l'a bien précisé, hein, c'est encore, pour l'instant, ils sont en train de réfléchir dans la façon d'agir pour la France, hein, pour te dire un peu comment ça se passait. L'année dernière, seules 3 délégations de AIDS avaient le droit d'expérimenter, mais à l'aide d'un personnel médical, le dépistage rapide. Aujourd'hui, depuis donc, le 17 novembre dernier, on comprend que maintenant, les délégations de AIDS qui se sont développées dans toute la France, je suppose que d'autres associations aussi s'y mettront, pourront effectuer ce dépistage rapide via un personnel ou via des volontaires formés à la question. Je pense effectivement que la question d'aller dépister directement sur des lieux de drague ou sur des sorties de sauna, ça ne m'étonne pas. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que AIDS a toujours eu une politique de réduction des risques. Réduction des risques, ça comporte le fait d'aller sur des lieux de drague, d'aller rencontrer des gens qui pratiquent le sexe, notamment des hommes ayant une sexualité avec d'autres hommes, donc HSH. On précisera après pourquoi HSH et non pas gay. Ça tient à pas grand chose, mais il faut quand même l'expliquer. Et c'est vrai que la réduction des risques, c'est des entretiens avec chacun, puisque on le sait, la prévention, la prévalence zéro, le fait de le tout capote est une chose, la réduction des risques est quelque chose qui s'adapte à chacun et donc se fait par intervention individuelle. Je pense que c'est ça que Karine essaye de montrer par rapport à ça. Mais moi, ce qui m'intéresse de savoir aujourd'hui, parce que c'est vrai que la plupart des gens auront peut-être plus envie d'aller dans une association sur un lieu particulier pour aller se faire dépister, ce qui m'intéresse justement, c'est de savoir que Gaytou, donc à partir du 2 décembre, va proposer ce dépistage rapide. Comment ça va se passer exactement ? Chris, le 3 décembre ou le 4, peu importe, je viens à Gaytou. Déjà, bon, tu vas me dire où est-ce que c'est exactement Gaytou. Et après, une fois que j'arrive, comment ça se passe ? Comment je vais être pris en charge ? Qu'est-ce qu'on va me faire exactement ? Gaytou, c'est une association des gays, lesbiennes, bisexuels et transsexuels dans laquelle le centre est à Saint-Sébastien, sur le Paseo Colón. C'est à Groche, un peu en face de la plage de la Souriola. Ah, c'est là où il y a le drapeau gay, en face de la plage, c'est ça ? Bien sûr, c'est là où il y a le drapeau gay. D'accord, je suis passé à côté de King Walk, je fais de la pub en même temps. C'est une très belle terrasse, et là nous y sommes. Et vraiment, il faut dire aussi que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que la législation que nous avons au Pays Basque ne nous permet pas de le faire de n'importe quelle façon. Il faut avoir une personne médicale. Cela ne veut pas dire que ça doit être un docteur. Ça peut être une infirmière, quelqu'un qui soit toujours là. Et d'autre côté, il y a besoin d'une seconde personne qui va faire le counseling. Une personne va faire le travail médical et l'autre personne va faire le travail psychologique des aides, de soutien en cas que le résultat soit négatif. Positif. Et oui, pardon, positif, oui. Et bon, et ça n'a pas été facile parce que la législation, et surtout... au Pays Basque Sud, nous avons 3 différentes administrations, et chaque province a ses propres, et chaque ville a ses propres institutions, lois, disons, et ça n'a pas été tellement facile parce qu'il y a eu, il y a du fait, on a dû accomplir avec beaucoup de choses, mais c'est vrai, finalement, le 2 décembre, on commence, et comment ça se passe? Bon, ben, n'importe qui veut avoir le service, qui veut utiliser le service, devra appeler par le téléphone ou par email à Gaytou et prendre une heure, disons que tu ne peux pas aller là-bas et faire la queue. Disons, il faut appeler. C'est dommage. Bon, si tu veux aussi. Excuse-moi. Mais la question, c'est de surtout et avoir... une structure d'accueil. Oui, c'est ça. Alors, toi, tu peux venir à 7h, l'autre personne peut venir à 7h15, la prochaine viendra à 7h30. On commencera à le faire deux fois par mois, de jeudi dans le mois, toutes les semaines. Là, je ne suis pas sûr si c'est chaque 15 jours. On pourra voir les informations, je pense, sur gaytou.net. Oui, et sur, et sur le téléphone aussi. Ils vont vous donner l'heure, le jour dans lequel vous pouvez venir. Et ça sera très facile de le faire parce que c'est rien, c'est juste on se pince un peu sur le doigt, il y a une petite goutte de sang qui sort et c'est avec des dépistages modernes dans lesquels on met la goutte là, il faut lui jeter un liquide spécial qui fait un révélateur et après c'est un peu comme le prédicteur. Oui, c'est un petit peu comme quand on essaie de savoir, si on fait pipi sur une petite languette pour savoir si on est enceinte. Justement, alors c'est bleu, c'est rouge, c'est vert, et c'est facile. Et surtout, c'est dehors des institutions officielles. C'est anonyme, bien sûr, c'est en respectant tout ce que ça soit l'anonymité et tout cela. Oui. C'est humain. C'est très, très humain, et c'est très proche du collectif. Très bien. On va reparler un petit peu de tout ça juste après, en attendant un tout petit peu de musique. Juste pour rappeler, parce qu'on parle tout le temps des hommes ayant une sexualité avec d'autres hommes, on parle donc du sida, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'idées préreçues comme quoi les homosexuels hommes sont davantage concernés par la maladie. Je voudrais juste rappeler que les femmes ne sont pas à l'abri, les hétéros ne sont pas à l'abri non plus. Et donc, une petite chanson, I Kissed a Girl, tu dois la voir. Est-ce qu'on peut, avant d'écouter cette chanson, demander à notre invité de nous faire un petit résumé en comparant la situation des deux côtés en basque? Avec plaisir. Bye, ba, bueno, se sango nuke, ba, bueno, ikusten dudanez, ba, bitu, ba, hemen argi eta garbi dago, ego Euskal Herriak gure instituzioak aspalditiken badauzkagula, eta ego eduki badauzkagula, eta haiek, bastante ondo funtzionatzen dutela, diru aldetikan, pues, ez dut uste hori arazorik danik, egondo dira behar bada arazoak, gure froga azkarrak egiteko, lege batzuek konplitu behar diralako, ez diralako, baina baita ere esan behar dugu, Ego Euskal Herrian eta gure osasun sistema osakidetza deitzen duguna, aintzindaria izan dudala beti, farmazietan aspalditik jarri baizuen froga azkarra egiteko posibilitatea, ambulategi eta ospitalitatikan kanpora. Hortikan aparte baita ere, guk orain egiten ari gerana pixkat elkarteetatik, gobernu kanpoko erakundetatik egiten ari gerana da, froga azkar hori ahalik eta gehien hurbildu arazi edo eskaini jendeari balako konfidantza eta gertutasun batetan. Ikusten dudala iparraldean da, behar bada baita ere ikusten dut bertako instituzio falta hori, baina beste alde batetik handago ED Euskal Herrian kokatuta dago, Frantzia osoan indarra handia daukan IESaren aurkako elkarte bat da, eta EDek bultzatzen ditu eta bultzatu nahian dabil hainbat eta hainbat froga azkarrak edo gertutasuneko frogak egitea. Eta ezberdintasun, aipatzen zenean bezala, Xabi, lehen Karinak esaten zigun bezala, beraiek froga azkar hori areagotzen dute hainbat leku beresietara. Esaten dut beresi, nolazpaite lige lekuetara, edo sauna, nun eta seksu harreman bereziak egon daitezken lekuetara bar. Honen aurrean behar bada nik aurpegia aldatu dut, krisek esaten zuen bezala, baina zan ez zaidalako ondo iruditzen baizikan, guretzako, niretzat personalki, behar bada leku horiek intimitate handiko lekuak diralako eta behar bada txokatzen zait jakitea hor ere egiterik izango dudanik. Baina ez zait geizki iruditzen, ikuste dut, alde batean eta bestean frogak, IESaren detekzioko frogak ahalik eta gehien hurbildu bezaizkiola gizarteari, zean badakigu jende asko badagoela gibarekin bizidana eta ez dakiena. eta oneri nolazpeite bukaera jarri behar diogu. Mami, esker itzulpenangatik, herri hotxak, antxeta irratian, luxu eta maitasun hotxak. Je me suis trompé de chanson. Alors c'était quoi que je devais mettre? I Kiss the Girl. Ah d'accord, je la vois. Antxeta irratiko gauparteko programazioa berritu dugu. Egunero 8:00 bederatziak arte herriotsak, Bidasoaldeko elkarteen emankizuna. Astelen, astearte eta ostegunetan 9:00-10:00 arte Xilozibe irratiak ekoiztutako saioak. Astelenetik asteazkenera arte eta ostiraletan Eprako saioak, frantses estatuko irrati komunitarioek egindako emankizunak. Ostegunetan, 10:30-12:00 arte, zirrikituetatik Xilozibe irratiak egindako saioa. Astelenetik asteazkenera eta ostiraletan, herriotxaken errepikapenak 11:00-12:00 arte, eta ostegunetan 12:00-13:00 arte. Eta igandetan 8:30-10:00 arte herriotxaken oberena, eta 10:30-11:00 arte zirrikituetatik errepikapena. Antxeta irratiaren gabeko programazio berria. Antxeta irratiak 10 urte. Entzun, esan, adierazi. Petit résumé de cette promo pour les francophones. On va dire que ben, tous les lundis, bon, tous les jours, on répète Rio Chac de 11h à 12h du soir. Donc aujourd'hui, 11h à minuit, oui, voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, vous avez l'occasion de réécouter pour ceux qui ont rattrapé un peu en retard. Et sinon aussi pour les francophones, parce qu'on est en train de faire une émission en français tous les jours, de 22h à 23h. C'est une émission de l'EPRA, du réseau de radios communautaires de l'État français. Voilà. Quel plaisir de pouvoir nous réentendre nous-mêmes, n'est-ce pas? Mais moi, je le fais tous les jours. Tu as bien raison, ma foi. Moi, je t'écoute aussi dans ma voiture, hein. C'est formidable. Allez, juste avant, tu t'es trompé de musique, je vais te faire un petit plaisir, tu vas pouvoir nous la passer, parce que même si Miss Eva est pas là, il est quand même l'heure du top 5 des mouettes. Et c'est de la chanson des top 5 des mouettes? Eh oui! Ah mais je savais pas ça. Et regarde, une petite musique entraînante. Tu voulais un jingle, salut, on nous l'a pondu, Miss Eva n'est pas là, mais n'empêche qu'on est là quand même, on va le faire à sa place. Et donc, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, il est l'heure donc de faire le top 5 des mouettes. Désolé, bon, Miss Eva, tu n'es pas là, je vais le faire à ta place. Je sais que je n'aurai pas autant d'humour que toi. Mais ceci dit, c'est parti. Cinquième position, prescription des injures homophobes. Si quelqu'un vous insulte de PD, vous avez 3 mois pour porter plainte. Passé ce délai, il sera trop tard. Bizarre d'imaginer qu'un mot utilisé comme une insulte, depuis des siècles, puisse avoir une date de péremption de 3 mois quand même. En quatrième position, scandale à Singapour, l'équipe nationale de waterpolo, très sexy d'ailleurs, a défilé aux Jeux Asiatiques dans un superbe maillot de bain moule bit rouge avec un croissant de lune à la place même de leur sexe. Que du plaisir pour nos yeux, mais a priori seulement pour les nôtres. Singapour n'a pas aimé. Eh bien merde, alors faites les défilés à poil. En troisième position, les homos sont la communauté la plus victime de violences discriminatoires aux USA. Eh ben, il aura fallu un président noir pour baisser les violences racistes. À quand un président gay? En deuxième position, nous retrouvons notre vénéré, vénérable, je ne sais que dire de lui, Benoît XVI. Benoît XVI accepte l'idée du préservatif pour les prostituées. Eh bien, en échange, Benoît XVI, on acceptera que tu continues à mettre quelques robes, mais change un peu de couleur. Merci, Benedicto. Et on l'attend tous depuis un mois maintenant, parce qu'il y a 15 jours, on n'a pas pu le faire. La première position, Kenya, le Kenya. Au Kenya, le Premier ministre se prononce pour l'arrestation des homosexuels. Du coup, le Kenya deviendrait le premier pays du monde à créer une prison gay. Je vous propose donc à tous de faire un safari prison break au Kenya. Il me manque Miss Eva pour faire le bruit des mouettes. J'ai personne pour faire. Je fais très mal la mouette. Mickaël, dis-moi, est-ce que tu viendrais avec moi au Kenya? Mais j'irais bien, oui. Franchement, un petit safari comme ça. Mais le seul truc, c'est que si on finit en prison, t'imagines tout ce qui va nous arriver? Ça serait un peu dur, oui. Ah ben dur, c'est pas le mot. Je crois que ça irait plus que ça. Allez, il est 20h45, c'est bientôt l'heure de nous quitter. Mais bon, avant de se quitter, on va revenir un petit peu avec Yoseba. Donc Yoseba, je rappelle, tu es l'invité de ce soir. Tu es responsable donc de la commission VIH-SIDA au sein de Gaytou et président de l'association... Arribelsa. Merci, il faudra que j'apprenne à le dire, tu me feras un cours de prononciation juste après. Avec Karine tout à l'heure, on a parlé un petit peu du taux de contamination en France. Elle nous disait que les chiffres, c'était pas trop sans fort. J'ai envie de te poser la même question. Est-ce que tu connais un petit peu l'état des contaminations au Pays Basque Sud? Un peu de la même façon que Karine a dit, c'est pas du tout ma spécialité. C'est-à-dire, nous avons, comme je vous ai dit tout à l'heure, un plan du SIDA, que ça fait très longtemps qu'ils travaillent très très bien. C'est eux qui sont sur les statistiques, les taux d'infection, toutes ces choses-là administratives. Nous, sur les associations dans lesquelles je travaille, on prend plus soin des personnes dans son problème, disons, d'acceptation de la maladie, du virus, de vivre avec, de tout ce qui est un peu émotionnel. Finalement de la partie un peu humaine. Du problème du C'est-à-dire VIH. Que les associations de lutte contre le sida qu'on est au Pays Basque, nous complémentons d'une façon notre système de santé. Disons que le système de santé nous soigne très bien, nous donne les médicaments qui nous sont nécessaires en ce moment. Mais c'est vrai qu'il y a un côté humain, de thérapie, d'aide émotionnelle, etc., dans lequel ils n'arrivent pas. Alors, c'est là que la nécessité des associations sort, et c'est là qu'on travaille surtout. Mais bon, c'est vrai aussi que le Pays Basque Sud, c'était une région en Espagne dans laquelle les proportions de personnes avec de HIV étaient très hautes, surtout au moment donné par l'utilisation des seringues. Par la drogue, oui. Par la drogue. Et en ce moment, c'est ce qu'on sait aussi, c'est que c'est surtout la transmission entre HSH qui se donne le plus, ça c'est vrai aussi, à une proportion beaucoup plus grande que dans des autres façons de pouvoir se contagier, et que aussi malheureusement nous savons qu'il y a une grande partie de la population qui peut avoir le virus et qui n'est pas conscient. D'accord. Je vais revenir juste, depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de parler de HSH. On va expliquer une bonne fois pour toutes HSH. H, homme ayant une sexualité avec d'autres hommes. Oui. Pourquoi, justement, on fait cette différence, je ne sais pas si c'est vraiment une différence, pourquoi parle-t-on de HSH et non pas d'homosexuel? Bon, je crois qu'il y a deux raisons importantes pour cela. D'abord, d'un côté... Et le collectif d'homosexuels a été trop mélangé avec le sida, je crois que c'est une façon... Je me rappelle encore quand j'avais 25 ans, au début de toute cette histoire, quand on parlait du cancer rose. Oui, c'est-à-dire, tout à fait, oui. Je me rappelle très très bien de tout cela. Le cancer des homosexuels, oui. C'était un peu la punition qui nous venait de je ne sais plus où, etc., etc. Alors d'un côté, il faut un peu... et enlever ce poids qui est sur la collectivité, et de notre côté, faire l'emphase que ce n'est pas une question des collectivités, des préférences sexuelles, c'est une question des pratiques sexuelles. Toute personne qui va avoir une relation de pénétration sans protection avec une autre personne est en danger. Et en plus, il faut bien expliquer que, bon, moi-même, je me sens comme une personne qui est part de la collectivité homosexuelle, mais je connais et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas de la collectivité gay homosexuelle, mais qu'ils ont des pratiques de pénétration avec d'autres hommes. Alors, si on dit que la question, c'est uniquement des homosexuels, certains gens qui mettent sa vie en danger parce qu'ils pratiquent le sexe avec d'autres hommes et qui ne se tiennent pas comme homosexuels, ils peuvent croire qu'ils ne sont pas en danger. Tout à fait. Alors, c'est la pratique qu'il faut vraiment parler d'eux. Il faut sortir aussi de cette idée. À mon avis, tu me dis si c'est faux ou pas, mais je pense que la plupart des gens, lorsqu'on dit que telle personne a eu une pratique avec une personne du même sexe, de suite on la catalogue en tant qu'homosexuelle ou comme homosexuelle refoulée parce qu'elle refuse de se dire homosexuelle. Moi, je pense qu'au-delà de ça, lorsqu'on prend le terme HSH, on se sort de tout jugement de valeur. On se sort de toute envie de juger l'autre, de critiquer l'autre. On prend simplement la réalité des faits, qui est que cette personne n'est pas homosexuelle, ne se sent pas homosexuelle, peu importe, mais quoi qu'il arrive, a une pratique avec quelqu'un du même sexe. Et en plus, je crois que de plus en plus, les êtres humains, on est plus sexuels. Disons que la moralité avec laquelle on a été appris quand on était jeune, etc., tout cela, ça commence depuis ça fait longtemps à disparaître. Les gens, nous sommes de plus en plus sexuels, et les gens veulent en profiter de sa sexualité en liberté et en expérience. Et c'est un droit de chacun. Et c'est un droit de chacun. Vive la fellation. La fellation et d'autres choses. Mais je crois que je constate une réalité. Les gens ne sont plus tellement catalogués, je suis ça, je suis cela. Ça dépend. Un jour, je peux être ceci, et un autre jour, je peux pratiquer là. Et je crois qu'en plus, bon, il y a beaucoup de gens qui veulent expérimenter des choses différentes. Et alors, c'est question des pratiques. C'est pas une question d'être d'une collectivité ou d'une autre. C'est une question de faire une pratique sans protection. Avant de se quitter, est-ce que tu peux me dire un petit peu la commission VIH-SIDA au sein de Gaïtou, de quoi elle s'occupe, qu'est-ce qu'elle propose exactement? Mais nous faisons surtout le travail de prévention et d'accompagnement sur tout ce qui est le HIV dans la communauté gay, homosexuel, transsexuel, bisexuel, HSH. D'accord. Surtout, disons, pas tellement peut-être tout ce qui est le, l'attention individualisée, parce que cela, on l'a fait plutôt par Harry Belza ou par des associations qui sont spécifiquement de cela. Mais tout ce qui est la prévention sur les endroits, sur les bars, la sauna, les endroits gays, etc., de la même association pour les gens qui sont homosexuels, okay. sur Guipuscoa et les alentours, c'est là qu'on fait le plus. Et le 1er décembre alors ? Mais le 1er décembre, comme tous les ans, normalement, on se rejoint autour de la mairie de Saint-Sébastien qui dirige tous les années les événements. Mais comme tous les ans, on va illuminer le Kurchal, qui est un édifice emblématique pour nous. On va être illuminé avec le banderole rouge. Le ruban rouge. Le ruban rouge, plein de rubans rouges partout. Après, il y aura des tables d'information sur les rues le matin. Et il y aura, comme tous les années, une concentration de solidarité à 7h30 de l'après-midi à la place Teresa de Calcuta, qui est à Eguía, là où est situé déjà le mémorial du sida du Pays Basque, qui est là. C'est une grande mémorial des gens qu'on a perdus dans cette bataille, et des amis et des gens familiales, des amours qu'on a perdus dans toute cette bataille. Disons que ça fait 30 ans qu'on est en guerre. Et le mémorial est là, et c'est autour de ce mémorial-là qu'on va se rejoindre tous à 7h30. Et encore, je crois qu'on aura le temps d'arriver à Bayonne pour 9h. Mais écoute, bienvenue à Bayonne à 9h, donc, puisque aussi AIDS s'organise donc au caveau des Augustins à 21h, mercredi 1er décembre. Merci Joseba d'être venu pendant cette heure-ci. Merci de nous avoir donné autant d'informations. Tu nous l'as rappelé, 30 ans de guerre, ce n'est pas terminé. Il faut encore lutter encore et encore. Le 1er décembre, c'est une action. Le reste de l'année, je vous invite donc à venir partager les actions de lutte contre le sida en contactant que ce soit l'LGP Biarritz, Gaytou, AIDS ou toute autre association de lutte contre le sida. Merci Mickaël, merci à tous les auditeurs et merci Miseva de ne pas être venu parce que du coup tu n'aurais pas pu en placer une. Voilà. Donc merci à vous aussi d'être venu. Moi je rappelle que demain de 20h à 21h il y a toujours Herri Otsak. Demain ça sera le tour de Txingurri Otsak. Donc à demain. À demain. Bonjour, Biarritz. Herri Otsak. Pausumediak ekoiztutako saio bat. Egunero, arratsaldeko 8:00-9:00 arte, Antxeta irratian.